444. Self-testing exercise. Gender of nouns. Il, elle, un, une. Masculine and feminine adjectives. You will hear 10 sentences. Decide whether each sentence contains a masculine or a feminine noun and check the appropriate box. 1. Il est étudiant. 2. Elle est canadienne. 3. C'est une maison. 4. Il est espagnol. 5. C'est une espagnole. 6. Il est japonais. 7. C'est un espagnol. 8. C'est un cubain. 9. Elle est suédoise. 10. C'est un arabe.